femme figurée, de longs voiles couvertes, des vierges qui s'en vont chantant dans les chemins et qui sortent d'un temple avec les palmes vertes aux mains. Un rêve qui me plaît dans mes heures moroses, c'est un groupe d'enfants dansant dans l'ombre en rond, joyeux avec le rire à la bouche et des roses au front. Un rêve qui m'enchante encore et qui me charme, c'est une douce fille à l'âge radieux qui, sans savoir pourquoi, songe avec une larme aux yeux. Et cette autre vision, belle entre les plus belles, c'est Jeanne et Marguerite. Astres, vous les voyez, qui le soir dans les prés courent avec des ailes aux pieds. Mais des rêves dont j'ai la pensée occupée, celui qui pour mon âme a le plus de douceur, c'est un tyran qui râle avec un coup d'épée au cœur. C'est un tyran qui râle avec un coup d'épée au cœur.